quatre mots sur un piano, ce qu'elle a laissé. Quatre, c'est autant de trop, je sais compter. Quatre vents sur un passé, mes rêves envolés. Mais qu'aurait donc cet autre que je n'ai? Ne le saurais-je jamais. Quatre est banal, cliché, dénouement funeste. Trois moins deux qui sont, ça fait moi qui reste. Caresse, égard et baiser, je n'ai pas su faire. La partager me soufflait Lucifer. Depuis je rêve d'enfer. Moi j'aurais tout fait pour elle, pour un simple mot que lui donne l'autre que je n'offrirai. Elle était mon vent, mes ailes, ma vie en plus beau. Était-elle trop belle ou suis-je trop sot? N'aime-t-on jamais assez? Quatre années belles à pleurer, maigre résumé, carte jouée, mais la reine s'est cachée. 4 millions de silences, de regrets qui dansent, les questions, les soupirs et les sentences. Je préférais ces absences. Moi j'aurais tant fait pour elle, pour boire à son eau, que lui donne l'autre que je n'offrirai. Elle était mon vent, mes ailes, ma vie en plus beau. Était-elle trop belle, ou bien nous trop sot? N'aime-t-on jamais assez? Vous étiez ma vie comme la nuit et le jour. Vous deux nouez fil et mon parfait amour. Un matin vous m'avez condamné à choisir. Je ne vous aimais qu'à deux. Je vous laisse, adieu. Choisir serait nous trahir. Cet autre que je n'ai, ne le saurais-je jamais. La partager me soufflait Lucifer. Depuis je rêve d'enfer.